en prenant la route, je cherchais sans doute à quitter la ville et ma vie débile. Pourtant partout où j'allais, ton fantôme m'accompagnait. Je ne pouvais plus respirer ni m'empêcher de te pleurer. J'étais seul, désemparé, empêtré dans mes pensées. Mes regrets me poursuivaient et puis je l'ai rencontré. Tout de suite il m'a dit: je vois que t'as pas tout compris. Il existe d'autres voies de vie. Que connais-tu de la magie? Si tu veux, je peux te montrer, ça s'appelle la voie du guerrier. Tu n'es qu'un moldu, mais je peux t'enseigner ce que je sais. Je l'ai pris au mot et je me suis efforcé en élève appliqué de capter tout ce qu'il disait. Castaneda, Mackenna et Maria Sabina. Le chamanisme maya et la quatrième voie. Son enseignement a changé ma façon de voir, de penser. Ma conscience s'est réveillée, le monde m'est apparu plus vrai. Un teacher, un gourou, un sorcier un peu fou, un maître à penser, un guide, une lumière dans l'obscurité. Le premier homme remarquable que j'ai rencontré. Le premier homme remarquable.